Douiman. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La première dame du Burundi appelle à l'organisation d'une campagne de dépistage du VIH-Sida dans les écoles. C'était lors de la célébration à Rumonge de la journée mondiale de lutte contre le sida au niveau national, ce mercredi. 200 familles victimes des inondations de Gatumba sont déjà réinstallées au site d'Ogateri, en commune Buganda de la province Chibitoke. Dans un premier temps, elles avaient été relocalisées en zone Marquiazo de la commune Mubimbi. Cette nouvelle destination leur plaît, vous l'entendrez. Le rôle des jeunes dans la prévention de la violence en période électorale fait l'objet d'un atelier de sensibilisation qui a eu lieu ce mercredi en Ngozi, à l'initiative de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Et dans la chronique sur les messages de haine, on en saura davantage sur le discours manipulateur. Ce sera avec le politologue Sylvain Nakarutimana. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 200 familles parmi celles qui étaient relocalisées en zone Marquiazo de la commune Mubimbi suite aux inondations à Gatumba sont déjà installées au site de Gateri en commune Buganda de la province de Chibitoke. Ces déplacés apprécient cette nouvelle destination bien qu'il manque encore de marché et école proche. Ceux qui vivaient dans le dit site disent avoir bien accueilli les nouveaux, bien qu'eux aussi ne manquent pas de soucis. De son côté, Jean-Marie Mawinimana, chef de ce site, espère que l'État leur accordera des terres cultivables. Un reportage de Mireille Kanyang. Déplacé de la zone Gatumba vers le site de Marquiazo et actuellement relocalisé au site de Gateri en commune Buganda de la province de Chibitoke, ils apprécient le nouveau site, très différent, affirme-t-il, du précédent. Je suis arrivé ici depuis vendredi. Je trouve que ce site est bien. Il n'y a pas de froid comme là où on était. Pas de montagne, il nous était difficile d'aller puiser de l'eau. On transpirait. Mais maintenant, l'eau est proche. On peut même amener un bidon par les bras. Au regard de l'ancien site et vu ici, c'est très différent. Parce que là-bas, c'était montagneux. Mais ici, c'est un bon endroit. C'est vrai, on ne s'est pas encore habitué au milieu pour savoir par où chercher des provisions. Ils font toutefois face aux problèmes, disent-ils, notamment un manque de centres de santé en marché. Ce site d'Ogateri abritait d'autres personnes. Abraham Nyonguru habite ce site, cela fait 18 ans. Il dit être content d'accueillir d'autres, bien que eux aussi, ils faisaient face à d'autres défis. Sous différentes inquiétudes, Jean-Marie Mawinimana, qui dirige actuellement le site d'Ogateri, espère qu'ils vont avoir ou cultiver, annonçant qu'un centre de santé va être construit. Ce site, qui abrite déjà 211 familles sur plus de 1000, qu'enregistrait le site de Marquiazo, a une capacité d'accueil de 618 familles, selon les dirigeants du dit site, situé non loin de la rivière Rusizi. Mireille Kanyang, la collecte des données géospatiales sera facile quand la stratégie nationale de l'information géomatique en cours d'élaboration sera validée. D'après le secrétaire exécutif permanent du bureau de centralisation géomatique, ce document sera un outil incontournable dans la prise de décision, ce qui permettra de bien cadrer et de bien identifier les zones à risque. Lors de l'évaluation de ce document officiel ce mercredi à la primature, Frédéric Ngenda Wakana a indiqué qu'il compte également décentraliser la géomatique. On l'écoute au micro d'Ornella Mocho. Le document nous montre comment on peut se prendre, comment travailler selon les secteurs. Et ces secteurs, souvent, ils sont toujours aussi à l'œuvre, mais suivant quelles normes. Donc, tout le monde doit se mettre ensemble et suivre une même ligne pour que ce soit des normes, que ce soit des standards, pour que nous ayons la même vision sur la manière de réagir et de travailler. Le document, en soi, il est axé sur 9 piliers. Je peux citer certains d'entre eux, c'est-à-dire il y a les piliers normatifs, il y a des piliers finances, il y a le cadre institutionnel, le cadre de financement, cadre normatif. Et le comité de pilotage a émis des observations sur l'étape que nous avons présentée. Donc, le comité nous a recommandé de remettre, de revoir le format de notre rédaction, de notre stratégie, pour qu'on l'adapte au format qui est habitué ici au Conseil des ministres, qui est adapté nationalement. On nous a recommandé d'aller revoir comment reformuler ces formats, ces rédactions, afin que nous les ramenions très prochainement pour que la stratégie soit alors adoptée. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, appelle les jeunes affiliés aux partis politiques à éviter toute chicanerie en cette période où l'on s'achemine vers les élections de 2025. Cet appel a été lancé ce mercredi à Ngozi par le vice-président de la CNIDH, Anaclet Nzohabonayo, dans un atelier de sensibilisation des jeunes affiliés aux partis politiques sur leur rôle dans la prévention de la violence en période électorale. Évariste Nzikobanyang. Dans cet atelier, à l'endroit des jeunes affiliés aux partis politiques agréés sur leur rôle dans les prochaines élections, il a été entendu que le passé a été caractérisé par des chicaneries politiques entre les jeunes, surtout des partis CNL et CNDD-FDD, d'où ils ont suggéré que des conclusions qui seront issues du dit atelier ne soient pas lettres mortes comme dans les années passées. Dans son allocution d'accueil à l'endroit de ceux qui ont répondu présents à cet atelier qui se déroule en Ngozi, le gouverneur de cette province a lui aussi rappelé que c'est lors des élections que les jeunes des partis politiques seront entrés dedans. Désiré Minani ayant rappelé à ces jeunes de cesser ce comportement, car en fin de compte, ils ne gagnent rien. Même son de cloche avec le vice-président de la CNDH, Anaclet Nzohabonayo. Il demande à ces jeunes affiliés aux partis politiques d'afficher un bon comportement au cours des prochaines échéances électorales pour aboutir aux résultats des urnes acceptés par tous les challengeurs politiques. Dans son allocution, le conseiller principal en droit de l'homme du système des Nations Unies au Burundi a rappelé que les jeunes sont des piliers de la vigueur démocratique et la force motrice de l'action des mouvements politiques et même des gouvernants. Bamazi Kosicha ayant indiqué qu'il est donc de prime importance que les jeunes et les autres acteurs politiques s'obligent au respect de la loi électorale garantissant l'égalité. Et c'est pourquoi, en tant que système des Nations Unies au Burundi, il s'est associé à la CNDH d'engager les jeunes dans cet échange critique qui leur fasse prendre considéré de leur rôle pour la tenue des élections dans un climat propice à la préservation de la paix et au respect des droits humains. Cet atelier ayant été conjointement organisé par la CNDH et le bureau du coordinateur résident du système des Nations Unies au Burundi, Ngozi, Evariste Nzikobanyanga, Radio Isanganiro. Merci Evariste. On reste en Ngozi où l'inspecteur phytosanitaire au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage conseille aux agriculteurs de ne pas utiliser n'importe quel produit phytosanitaire sans consulter l'agronome en vue d'utiliser le produit approprié à la maladie. Cyprien Sendaïeboura le dit au moment où surgissent certaines maladies qui attaquent les champs de pommes de terre, dont la bactériose. Et parmi les causes de ces maladies figurent de mauvaises semences, d'où il conseille aux agriculteurs de ne pas acheter n'importe où les semences de cette culture. Ngozi, Apollinaire Muzakara. Des champs de pommes de terre font face ces jours-ci aux différentes maladies, dont la mildiou et la bactériose, dans différentes collines de la province Ngozi. Parmi les causes de ces maladies, d'après l'inspecteur phytosanitaire du bureau provincial en charge de l'environnement, agriculture et élevage, figurent de fortes précipitations, des semences non sélectionnées ou inadaptées au sol et autres. Bon nombre d'agriculteurs qui parviennent à avoir de l'argent achètent des produits phytosanitaires dans différentes boutiques qui leur sont proches pour pulvériser ces champs attaques. Cyprien Sindaïeboura demande à ses cultivateurs de consulter les agronomes afin de recevoir des conseils sur des produits à utiliser sur telle ou telle maladie, mais aussi de ne pas acheter les semences n'importe où, plutôt de se rendre chez des multiplicateurs de semences qui sont reconnus par la loi. Ngozi, Apollinaire Muzakara, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les responsables sanitaires, l'administration et les responsables scolaires sont appelés à organiser une campagne de dépistage du VIH-Sida dans les écoles afin que les élèves sachent leur état sérologique. Cet appel est de la première dame du Burundi ce mercredi à Rumonge lors de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida au niveau national. La première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, a expliqué qu'une prise en charge précoce améliore l'état sanitaire de la personne infectée. C'est au moment où les personnes vivant avec le VIH-Sida voudraient que les frais de fonctionnement des projets œuvrant dans la lutte contre le sida cessent de prendre la grande partie du financement. Une information de notre correspondant Jean-Pierre Missago. Faire connaître les lois régissant le cricket et apprendre comment on pratique ce sport, tel est l'objectif d'une formation organisée par la Fédération burundaise de cricket à l'intention des journalistes sportifs et les entraîneurs. Le formateur Pascal Nyabenda fait savoir que ce sport existe déjà dans 4 provinces tout en précisant qu'il compte l'implanter prochainement dans la province de Ngozi. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Le jeu cricket, c'est un jeu nouveau qui venait d'un pays étranger. C'est pourquoi nous avons amené ce jeu ici au Burundi pour les jeunes Burundais de connaître ça et de jouer ce jeu nouveau. Quelle sera la valeur ajoutée ou bien l'avantage de cette formation d'aujourd'hui? L'avantage de cette formation, c'est pour donner la capacité de connaître les rois et les avantages de jouer le cricket. Nous sommes de nouveau dans le jeu et nous allons continuer d'enseigner et de former plus les jeunes Burundais. Et pour le moment, le jeu de cricket se trouve dans combien de provinces? Le jeu cricket, nous avons envahi le jeu dans 5 provinces. Province Makamba, il y en a. Le jeu cricket, province Rumonge, province Bujumbura, où nous sommes en train de jouer le championnat de division 3. La province Gitega, nous allons amener le jeu dans la province de Ngozi. Comment les Burundais apprécient ce sport? Le sport cricket, parce que c'est un jeu nouveau, on est en train de sensibiliser parce que les jeunes ont déjà aimé ce jeu. Je pense que petit à petit, le jeu va envahir tout le pays. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu notre jeu nouveau. Ils sont en train de demander au chef président de la Fédération de cricket d'y intégrer ou d'adhérer dans le jeu et de participer dans les championnats. On retrouve maintenant notre correspondant Jean-Pierre Missago qui nous parle de cet appel de la première dame du Burundi qui appelle les responsables sanitaires, administration et responsables scolaires à organiser une campagne de dépistage du VIH-Sida dans les écoles. S'exprimant au nom du cadre consultatif et décisionnel des organisations des personnes vivant avec le VIH-Sida, Hamza Benabouli Roukié déclare qu'aussi longtemps que plusieurs projets soi-disant vouloir lutter contre le sida naîtront du jour au jour et concentreront environ 70% de leur budget dans les frais de fonctionnement et les bénéficiaires se partageant le reste et restant ainsi dans la misère pour que ces projets puissent se prolonger. La lutte contre le sida ne pourra pas aboutir à grand-chose. Bouli Koukié dit que le ministère de tutelle sera prochainement saisi pour présider une réunion des bénéficiaires et des intervenants pour une synergie en vue d'aboutir à des résultats tangibles. De son côté, Lidwine Baradahana, ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, dit que des avancées significatives ont été réalisées dans ce volet, mais que des obstacles persistent. Entre autres obstacles, le comportement de certaines personnes comme si le VIH-Sida n'existait plus et la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida. Pour elle, la sensibilisation doit se poursuivre. Dans son discours de circonstance, Angeline Ndayishimiye, première dame du Burundi, appelle à une organisation dans les écoles d'une campagne de dépistage du VIH-Sida afin que les élèves sachent leur état sérologique. Mais avant cette campagne, la première dame du Burundi appelle les élèves à se faire dépister dans les centres de santé proches, tout en rappelant qu'une personne séropositive peut travailler comme celle séronégative. Angelina Jimier appelle à la non-discrimination des personnes séropositives et à punir exemplairement toutes les personnes qui propageraient sciemment le VIH-Sida. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Le discours manipulatoire est un langage de distraction chez une population qui ne prend pas souvent du temps pour réfléchir à ses conséquences. Le politologue Sylvain Nakarotimana explique que ce discours souvent utilisé par les acteurs politiques se remarque surtout pendant la période électorale et peut conduire à des violences dans la communauté. Certains habitants de la commune de Bissolan, en province de Mgaro, indiquent qu'ils en ont été victimes lors de l'enrôlement des électeurs où ils étaient par exemple appelés à ne pas répondre à cette activité. Francine Ndiokoubgayo. Les habitants de Bissolo donnent des exemples types de discours de manipulation dont ils ont été témoins. Mais ils ont compris, après tout, qu'il s'agit d'une manière de les distraire, comme ils le disent. On nous disait que les élections sont terminées et qu'il ne fallait pas se faire enrôler. C'est une spéculation et le gouvernement disait que l'enrôlement est obligatoire. Celui qui ne s'est pas fait inscrire ne bénéficie d'aucun avantage en conséquence. Quand je me faisais enrôler, quelqu'un m'a dit de ne pas être membre de ce parti et de ne pas m'inscrire aux élections car, selon lui, ça n'a aucune importance. J'ai réfléchi et j'ai décidé de me faire inscrire au marché de Matana. J'ai failli être agressé car je n'ai pas exhibé mon récépissé. De tels messages existent et ce n'est pas bon. Le conseil politique de l'administrateur de Bissolo trouve que ceux qui utilisent ces discours visent à détourner l'attention du public à des fins politiques. Il y a des gens qui font mêler ça à la politique. Ces derniers sont souvent roulés, mais nous, les administratifs, à chaque échelon, nous sensibilisons la population pour qu'elle élise leurs futurs responsables. Selon le politologue Sylvain Nakarutimana, les acteurs politiques qui manipulent la population l'empêchent de réfléchir sur des questions essentielles du moment, ce qui peut conduire à des révoltes. Si les gens sont mobilisés sans toutefois qu'il y ait une réflexion profonde sur les actions à mener, ce sont des gens qui sont prompts, qui sont prêts à la violence. Alors, s'il y a une population qui veut violer les droits d'une autre partie de la population, il y aura de la résistance. S'il y a de la résistance, ça sera peut-être une sorte de légitime défense. À côté de cette légitime défense, les gens pourront peut-être continuer la violence et les gens s'en prennent des temps. Il y a des conséquences néfastes. Tu n'as pas eu cette conscience de la conséquence de cet acte et c'est quelque chose que tu risques de regretter plus tard. Généralement, les discours de manipulation sont faits de mensonges, d'après ce politologue qui estime que les médias devraient chercher des espaces pour débattre de ces sujets. Il interpelle aussi les autorités à sanctionner les auteurs de ce genre de discours au sein de la société. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.